Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le travail du poète, c'est de rassembler le trésor éparpillé. Cette semaine, Jérôme Prieur. Je pense souvent qu'en s'intéressant à ce qui s'est passé il y a 70 ans ou il y a 2000 ans, on parle très profondément, très précisément de ce qui est important pour beaucoup de nos contemporains aujourd'hui. De l'image à l'écrit, une invitation, deuxième partie. Il s'occupe aussi de littérature, d'histoire, etc. Donc il y avait des horizons de recherche qui étaient pour moi inconnus au moment où on a contacté Jérôme Prieur. Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler, c'est à la fois un documentaire, c'est le nouveau documentaire en deux parties signé Jérôme Prieur, dernière journée de cette semaine qui lui est consacrée. Nous allons donc parler de ce documentaire avec vous, Jérôme Prieur. C'est un documentaire où de nouveau on retrouve votre musicien fétiche, Marc-Olivier Dupin, qui signe là une partition des plus passionnantes. Autant dire que ma vie dans l'Allemagne d'Hitler, c'est une enquête au double sens du terme. C'est à la fois une enquête que vous avez menée et une enquête qui a réellement eu lieu. Est-ce qu'on peut peut-être parler, sans tout dévoiler bien sûr, de cette enquête qui a réellement eu lieu, à partir de laquelle vous avez vous-même mené la vôtre? Bah oui, tout part de cette enquête lancée par l'université de Harvard en 1939. Enquête que j'ai découverte un peu accidentellement. La productrice de mon film sur les Jeux Olympiques de 1936, après ce film, voyant que ça s'était plutôt bien passé avec moi, contrairement à tout ce qu'on avait pu lui dire, on lui disant c'est un caractère épouvantable, il n'en fait qu'à sa tête et tout ça, ce qui est de toute façon ce vrai. Ce qui est tout à fait vrai, voilà. Mais au moins c'est clair, me fait porter un livre qui recueille un certain nombre de témoignages autour de la nuit de cristal, cette sinistre nuit de cristal où on a commencé à persécuter massivement, publiquement, collectivement, les juifs allemands, vers la nuit du 8 au 9 novembre 1938. Voilà, il va bientôt y avoir 80 ans. Et donc, je regarde ce livre. Et puis je me dis non, c'est pas possible. Enfin, je peux pas vivre pendant faire un film. C'est vivre plusieurs mois dans l'atmosphère de ce temps-là. C'est pas possible. Et donc, comme tout livre, je le renifle, je le regarde, la préface, la postface, les notes. Et là, je découvre que les témoignages sur la nuit de cristal publiés dans ce livre en Allemagne puis en français viennent d'une grande enquête qui a eu lieu à Harvard en 1939. Voilà. Je regarde si cette enquête a été publiée et je découvre que non, quoi. J'ai découvert après qu'en français, par exemple, seul un texte d'un philosophe, Karl Lovit, avait été publié en France. Quand on dit enquête, on s'attend à ce que ce soit un questionnaire avec des réponses qui occupent 3-4 pages. Cette enquête, sous forme de concours, elle a réuni finalement 261 manuscrits qui sont aujourd'hui, pour l'essentiel, toujours à Harvard, dans la Houston Library, ou au Lubbock Institute à New York. Et ces réponses, ces 281 réponses, elles font 50, 100, 150, 200, 300 feuillets écrits, manuscrits, dactylographiés, écrits chaque. En allemand, écrits en français, chaque, voilà. Un matériel absolument énorme, une archive énorme. Et donc, je me suis rendu compte, j'ai un peu prospecté à ce moment-là, je me suis rendu compte que cette enquête était restée presque inédite. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, dans les années 40-45, je crois qu'il y a eu deux textes qui ont été publiés, mais réécrits et sous d'autres noms que ceux de leurs auteurs, et qu'il faut attendre les années 90 pour que, aux États-Unis un peu, et en Allemagne un peu, des manuscrits de ces témoins soient publiés. Ces témoins, qui sont-ils? Ben, ces témoins, ce sont des gens qui répondent à l'enquête que leur propose l'université de Harvard. Ils sont tous partis d'Allemagne. Ils ont tous réussi à fuir en 33, en 34, en 36, en 39. Voilà. Et Harvard leur demande d'écrire ma vie en Allemagne, my life in Germany, avant et après le 30 janvier 1933. ça laisse à comprendre qu'ils sont aux États-Unis tous ou certains peuvent être autre part? Beaucoup sont aux États-Unis, mais sinon, ils sont pour la plupart à travers le monde. Il y en a beaucoup, surtout ceux qui partent en 33, qui vont en Suisse, particulièrement à Zurich, parce que c'est quand même le plus proche. Il y en a d'autres qui vont en France, qui vont à Paris. C'est pas forcément une bonne idée. Il y en a qui font des escales, hein, qui vont à Paris, puis ensuite qui essayent d'aller en Espagne, d'aller en Afrique du Sud. Il y en a un qui va au Japon. Voilà, c'est toute une population qui a réussi à partir et qui a été forcée de partir, bien évidemment. Mais c'est une population. C'est pour moi les premiers résistants au nazisme. C'est-à-dire que non seulement ils ont peut-être été forcés de partir, mais ils ont décidé de partir, de tout abandonner, leur bien, leur famille, leur vie, leur travail, etc. Donc c'est des gens qui sont... Alors vous allez me dire, qui sont-ils ces gens? Eh bien, il y a... Pas tout de suite, je vais d'abord vous demander, oui. Parce que peut-être avez-vous eu la réponse, mais comment Harvard, avec cette dissémination de la population, a-t-elle pu rendre public son appel d'offres? L'appel d'offres, c'est bien de dire l'appel d'offres parce que c'était une enquête qui se présentait sous forme de concours. Les Américains ont, depuis les années, je sais plus, à 10-20, ont beaucoup aimé comme ça les enquêtes sociologiques auprès de certains types de populations ou de populations minoritaires, etc. Et souvenons-nous d'ailleurs du livre de Walker Evans et de James Agee, qui est Louons maintenant les grands hommes. Voilà, qui est issu comme ça d'une de ces enquêtes qu'affectionnent les chercheurs américains. Et donc, cette enquête se présente sous forme de concours, et donc on offre de récompenser les meilleurs récits. Et donc il y a, je sais plus, le premier prix de $500, ce qui nous paraît un peu ridicule aujourd'hui, mais à l'époque ça permet de vivre plusieurs mois. Et donc il y a tout un système de relais, il y a des journaux, le New York Times publie cet appel à concours. Il y a des associations d'exilés, les professeurs qui sont à l'initiative de ce concours le font connaître en Grande-Bretagne, en France, en Suisse, etc., etc. Donc, il y a une population relativement importante qui consacre beaucoup de temps à écrire et à envoyer des manuscrits qui sont souvent des originaux. Moi, je les ai vus, c'est quelque chose de très émouvant quand on se dit que ces gens-là, non seulement sont partis, ont tout abandonné, mais ils livrent leur vie, comme ça, à des chercheurs, en leur racontant ce qui leur est arrivé ou ce qui est arrivé à l'Allemagne avant et après le 30 janvier 33. Je vous ai interrompu et je m'en excuse, Jérôme Prieur. Vous en étiez à vouloir dire un peu qui ils étaient, ces gens-là. Qui sont-ils? Ben alors évidemment, je dis évidemment parce que c'est les plus menacés, évidemment parmi ces hommes et ces femmes, il y a beaucoup de femmes qui répondent. Parmi ces hommes et ces femmes, il y a évidemment des juifs, ceux que les lois de Nuremberg vont considérer comme juifs, juifs, demi-juifs, enfin toutes ces comptabilités sordides, mais il y a aussi, ou en même temps, hein, d'ailleurs, des socialistes, des conservateurs, des gens tout à fait de droite, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des Allemands qui sont sans aucune opinion politique, enfin, ce sont des Allemands et des Autrichiens, mais j'ai pas retenu tellement les Autrichiens, mais ce sont des Allemands et des Autrichiens qui, pour différentes raisons, ne supportent plus d'être dans ce pays et qui racontent sur tout comment leur pays a basculé, moi c'est ça qui m'a frappé en les lisant, comment leur pays a basculé dans le nazisme, a été ravi, rapté par le nazisme, et que cela commence, c'est ça qui est le plus effrayant, avant que Hitler n'arrive légalement au pouvoir. D'ailleurs, il faut ne jamais oublier de dire qu'il n'est pas arrivé au pouvoir à l'issue d'un coup de force, mais que on s'est dit qu'on pouvait... Je le rappelle dans le film, j'utilise dans le film cette phraséologie que l'on entend aussi aujourd'hui avec les partis d'extrême droite, que bah dans le fond, on peut essayer, on verra bien, que Hitler et les nazis vont faire la preuve de leur incompétence, que ça va pas durer longtemps, etc., etc. Voilà, ça a quand même duré plus de 12 ans. À l'été 1939, une grande enquête est lancée par trois professeurs de l'université de Harvard aux États-Unis auprès des Allemands qui ont fui leur pays depuis qu'Adolf Hitler est au pouvoir. Extrait de « Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler » de Jérôme Prieur. Les milliers de pages qu'ils ont noircies et envoyées des quatre coins du monde sont restées largement ignorées jusqu'à aujourd'hui. Leurs témoignages nous parviennent enfin, leurs récits, leurs histoires, leurs voix. Il y a des universitaires, on peut l'imaginer, mais il y a également des ouvriers. Au fond, on a la sociologie. Que la sociologie est très vaste. Il y a évidemment, c'est évidemment la bourgeoisie intellectuelle qui écrit. Donc il y a des avocats, des journalistes, il y a des médecins, mais il y a au moins un ouvrier communiste, il y a des professeurs, il y a des employés de bureau, il y a des étudiants. Enfin bon, c'est évidemment pas représentatif au sens scientifique, mais c'est très représentatif au sens historique. Enfin, ça nous dit quelque chose de la manière dont l'Allemagne voit l'arrivée des nazis au pouvoir. Est-ce que l'on voit au travers de tous ces documents, de toutes ces pages, une certaine forme d'unité de leur propre narration? Ils écrivent tous en disant « je » au nom personnel. Au-delà de ça, est-ce que on trouve un terrain commun? Non, je trouve pas. Il y a des talents littéraires qui s'expriment, il y a des polémistes, il y a des ironistes, et puis il y a aussi des gens qui écrivent et disent trois fois la même chose. Enfin, voilà, mais de toute façon... Il y a tous les styles. Il y a des gens dont on se demande pourquoi ça n'a pas été publié, et puis il y a des gens dont on se dit, oui, c'est intéressant sur le plan documentaire, mais en tant que témoignage... Signature, c'est moins intéressant. Il y a des gens qui sont, on aurait envie de tout lire. Puis il y a des gens, il y a une femme qui est une actrice qui va aller à Hollywood, enfin où elle a fait pas une carrière formidable, qui a une formule absolument extraordinaire, qui dit qu'avec les nazis, on n'a plus de livres, on n'a plus de lits et on n'a plus de casseroles. Elle veut dire par là que les nazis ont envahi, c'est le totalitarisme, enfin toute la vie privée. Plus de lit, plus de vie privée, plus de lecture et plus de nourriture même. Enfin, on doit faire ce que le parti veut que l'on fasse. Et donc, en une formule, voilà quelqu'un qui saisit une situation qui pourrait être redoutablement, là, on le dit aujourd'hui avec beaucoup de précautions, etc. Mais tous ces gens nous racontent une situation qui pourrait être redoutablement monotone. Finalement, ils disent tous la même chose. On pourrait dire, non. Moi, j'aime beaucoup. Il y a un des témoins qui s'appelle Robert Bruch, qui est sans arrêt, dit-il, sollicité par un de ses collègues de bureau et qui lui dit « Quand est-ce que tu rentres dans la SA ?» Et Robert Bruch, qui est pas un militant anti-nazi, qui fuit, hein, puisqu'il a écrit son témoignage, répond « Le plus tard possible, ça me permet de ne pas porter cet uniforme ridicule et de ne pas avoir ces réunions interminables. » Enfin, lui, ce qu'il défend juste, c'est son petit territoire privé, mais je trouve que la façon dont il le dit, elle est révélatrice, elle est magnifique, et rien que de dire ça, c'est quand même un acte de résistance à un petit niveau. Des années 20 aux années 30, les gens cherchaient à se distraire à la folie. Je m'appelle Karl Schwab, j'ai 37 ans. Je suis issu d'une famille juive de la région de Wiesbaden. Je suis propriétaire d'un grand magasin. Le vin et l'alcool coulaient à flot, on dansait comme jamais, les jupes des femmes raccourcissaient, les mœurs étaient plus libres. Les musiciens se livraient à des expérimentations. Les peintres poussaient l'expressionnisme à son paroxysme, alors que le chaos frappait à notre porte. Jérôme Prieur, on va parler dans ce deuxième temps de l'entretien de l'image, et Droisin, dans un troisième temps, on parlera de la narratrice. Je dois vous avouer que les premières images de votre film m'ont particulièrement fasciné, troublé même pour certaines. Pour vous les dire rapidement, vous les découvrirez un dimanche soir sur RTS2. Imaginez-vous dans un train, la caméra est à l'intérieur, elle est même à l'intérieur d'un compartiment. Et ce qui est tout à fait sidérant pour des images comme celle-là, c'est que les gens qui se sont parfois filmés, parfois dans le champ, semblent regarder l'objectif qui les filme, soit avec indifférence, soit avec une certaine lassitude, alors qu'il n'y a pas des caméras partout comme au XXIe siècle, comme aujourd'hui, en 2018-2019. Et là, les gens regardent ça comme ça, sans plus. Ça a dû, j'imagine, tel que je vous devine un peu, quand même pas mal vous interroger, peut-être vous interloquer. Comment vous avez traduit ces regards-là à la caméra ? Ils sont utilisés dramatiquement, enfin, comme ce que, de manière à ce que vous ressentiez ce que vous ressentez, c'est-à-dire que ces hommes, ces femmes sont dans un train qui les emmène, ils sont soulagés et accablés en même temps. Et puis le train, j'aime bien que l'image d'archive, elle soit une image, qu'elle ait une puissance poétique, que ce soit pas une image d'illustration. J'ai assez parlé de ça à Zurich. Ça m'énerve beaucoup de voir les films de certains de mes confrères et de consoeurs qui utilisent des images d'archives comme si elles tombaient du ciel, comme si elles n'avaient pas d'auteur, pas d'origine, pas de sens intrinsèque. Alors qu'au contraire, j'aime bien que l'image elle soit utilisée le plus possible dans une durée. Au maximum, il y a des tas de plans. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps, par exemple, mais voilà, l'archive ne dure pas plus longtemps, donc on la pousse à l'extrême limite de sa durée et qu'elle fasse vibrer en nous des zones affectives. Et évidemment, le train, c'est un train de l'espoir, puisque grâce à cela, les voyageurs, les passagers vont fuir le pays. On est au début du film, donc on est un peu dans l'énigme, hein, on ne sait pas où on va. Oui, c'est vrai, mais bon, ceux qui parlent sont des survivants, donc ils ont eu la vie sauve. Voilà, mais on ne sait pas tout à fait où on va. Mais en tout cas, la contradiction, c'est qu'il y a ce train qui nous emmène, on l'espère, vers la liberté, avec un grand L, et vers des jours meilleurs, ou vers la survie. Mais évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser que ces trains ont été aussi les trains de la mort. Et donc, l'image, elle peut toujours se retourner comme une peau de lapin. Il est tard dans la nuit. Je veux tâcher, d'une main tremblante, de noter les événements qui sont gravés dans mon cœur en lettres de feu. Je veux les noter pour mon fils, afin qu'il puisse lire plus tard comment on nous a condamnés à cesser d'exister. Je veux tout écrire tel que je l'ai vécu, seule et tremblante. Je veux écrire pour ne pas hurler dans le silence de la nuit. Mais à maintes reprises, dans le documentaire, puis là, il va être évidemment question de ces sources invraisemblables qu'il y a dans votre documentaire. On se retrouve souvent avec des gens filmés et qui regardent la caméra. Et ça n'a pas l'air de plus les interloquer que ça. Comme si l'image filmée, à ce moment-là, dans cette Allemagne-là, elle semble accompagner presque la vie quotidienne. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait étonnant. Oui. Mais ce qui me frappe, c'est, je sais pas, en Suisse, comment c'était, mais les films amateurs en France que je connais un peu, enfin, on peut pas prétendre, on ne voit pas la même chose, quoi. Alors que, on voit chez les Allemands que il y a une espèce de familiarité avec l'appareil. J'avais vu ça dans mon film sur les jeux de Berlin, les jeux de 36. Il y a une espèce de familiarité, mais il y a aussi une aisance de ceux qui filment. Ce sont des amateurs, mais des amateurs éclairés. C'est-à-dire, ils filment pas à toute vitesse, ils font des plans, ils font des séquences. Enfin, c'est formidable. Et donc, au texte, aux voix qui portent les textes, j'ai combiné des images, vous ne l'avez pas dit vraiment, mais qui viennent de sources amateurs multiples. Ce sont des images d'amateurs. Je voulais vous le laisser dire, oui, en effet. Voilà. Mais alors, il y a très peu d'images de propagande, où c'est la propagande. Il y a une gare centrale des images amateurs, ou bien c'est partir à la collecte et passer des... j'ai un documentaliste qui avait travaillé avec un esclave, moi pour le film. Vous voulez dire. Non, pas un esclave, un assistant de grand talent. Antoine Doher, on va dire son nom, qui connaît très bien toutes ces sources et qui sait qu'en Allemagne, contrairement à d'autres pays, on les a collationner. Il y a des cinémathèques privées ou des cinémathèques de région qui se sont dit, on a là un matériel formidable sur l'Allemagne. Je montre des séquences qui se passent avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir et qui sont filmées par des amateurs. Quoi. Inouï, c'est absolument incroyable. C'est extraordinaire, c'est inouï. Quoi. Et puis, plus les années passent, plus on filme les défilés, les grands défilés, les processions, on filme en couleur, on filme à la campagne. À la campagne, enfin, quelque chose là de la vie quotidienne. Je dis que tout à l'heure, je disais que c'était pas comme les images des actualités, des images de propagande, mais évidemment qui montrent comment le nazisme est rentré dans la vie privée, dans la vie quotidienne des Allemands, enfin. Quand on voit une classe avec les élèves qui sont comme des petits régiments ou les jeunesses hitlériennes avec tous ces petits jeunes gens qui obéissent au doigt et à l'œil, on voit bien que ces images, elles témoignent d'une réalité de la société. Elles suintent. Mais ce qui est formidable dans ces images, c'est qu'elles nous montrent quelque chose que d'habitude on ne voit pas. Quel que soit le point de vue de celui qui filme, qui peut être quelqu'un qui est un sympathisant des nazis ou un nazi lui-même, on voit quelque chose de la vie ordinaire et ces images, on les voit pas d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'elles n'illustrent pas la grande histoire et donc les réalisateurs de documentaires historiques les utilisent pas parce qu'elles ont pas de place. Or là, elles ont toute leur place, enfin, dans ce frottement avec la voix des témoins, elles nous disent quelque chose de cette époque dans laquelle, j'espère, le film nous plonge, nous, spectateurs d'aujourd'hui, Mon commentaire de réception. Il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, c'est pas de la couleur colorisée, c'est un noir et blanc qui fait du bien parce qu'il s'assume comme tel, c'est un noir et blanc qui ne fait pas que du bien. Il est terriblement inquiétant à mesure qu'on avance dans le documentaire parce que c'est comme si ça se rapprochait de nous. C'est comme si ce quotidien-là, parce que justement éloigné le plus souvent des images de propagande qui existent malgré tout, mais qui sont filmées comme ça par vous et moi, vous et moi allemands vivant à ce moment-là, on n'est plus du tout au musée, on n'est plus dans l'histoire morte, on est dans une vie quotidienne, et ça c'est terriblement oppressant. Pour moi le passé n'est jamais mort, n'est jamais passé, donc... Ce qui m'intéresse dans le passé, c'est de voir comment il nous touche encore, comment il vit en nous. Mais évidemment, en regardant les images, on a des idées préconçues, ce qui permet de les choisir, ce qui permet de les regarder d'un certain point de vue, de les garder aussi, les utiliser. Il y en a tellement. Mais on est rejoint aussi par quelque chose d'autre qui déborde, qui est plus fort. Il y a un courant, il y a une lame de fond. Et cette lame de fond, elle tient au fait que ce qui nous semblait être, il y a encore quelques années, de l'histoire ancienne, mais de l'histoire récente, on s'aperçoit de plus en plus que cette histoire, on voit, en regardant ce qui se passe aujourd'hui en Europe, cette histoire, elle est pas loin du tout. Et donc, je pense qu'on ressent cet effroi en se servant, je pense, de l'Allemagne nazie pour regarder comment un pays cultivé, démocratique, va basculer par la terreur, mais au-delà de la terreur, par la fascination, par la séduction dans cette aventure monstrueuse. Et à grande vitesse, parce que ce que le film montre, c'est cette sensation d'accélération invraisemblable. Tout est là, le marigot est là, et puis tout d'un coup ça prend, quoi. Et à partir du moment où ça prend, c'est comme un feu de forêt, ça va à toute vitesse. Oui, tout à fait. Je suis Friedrich Reuss, 29 ans, famille de la bourgeoisie catholique bavaroise, père magistrat. Un jour, j'étais avec un confrère au café Victoria. Nous buvions de la bière en mangeant des petites saucisses. Il y avait, à la table d'à côté, un client d'aspect peu soigné, au regard sombre. Il nous écouta parler politique, puis tourna sa chaise. Il fit une révérence raide et se présenta. Adolf Hitler. Pendant une heure, il nous cria son programme politique dans les oreilles. Il expliqua combien tout allait mal pour nous. C'était l'internationale rouge, jaune, noir à qui en était la faute, c'est-à-dire les sociodémocrates, le capital juif et l'église catholique. Après son discours tonitruant, il se leva soudain et s'en alla fièrement. Il oublia même de payer l'addition. Tout dernier point, Jérôme Prieur, on va s'arrêter sur le casting. Ce que j'aime particulièrement dans ce type de voix, qui, à l'évidence, n'est pas d'origine maternelle française, c'est qu'elle est tout à fait capable de dire du français, mais avec ce je ne sais quoi qui écorche un peu, ou tord un peu, ou dit les mots avec un autre sens, au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire soit une autre direction, soit une autre signification. Ce choix a-t-il été facile à imposer, compte tenu des règles que parfois la télévision fixe aujourd'hui? Je l'ai imposé. C'est ce qu'il y a de plus. Une diplomatie autoritaire, il n'y a rien de tel. Je l'ai imposé, mais je l'avais imposé dès le texte, dès le projet. J'avais pas imposé le nom de cette actrice, mais j'avais dit que je voulais une voix unique, parce que déjà un coup de force, puisque le texte à lire est conséquent, il occupe presque toute la bande-son. Et donc, je voulais pas ce qui est un peu un cliché de la télévision. Une voix par personnage. Une voix par personnage, une voix de femme pour une femme, un homme, enfin, ou même deux ou trois voix et tout ça. J'avais pas envie de ça, quoi. J'avais pas envie de ça. Bon, j'ai peut-être eu tort, hein, ça peut être très bien. Mais là, j'avais pas envie de ça, voilà. Et j'avais envie que... Je sais plus combien j'ai retenu finalement, ben oui, 40-50 témoignages. J'ai voulu que cette hétérogénéité des sources, des témoignages, des origines, des sexes, etc., elle soit compensée par le fait qu'il y ait une voix unique, qui soit la narratrice. Et donc cette narratrice, elle est le porte-voix de ces différents personnages, hommes et femmes, et elle me permet de les présenter. Il y a pas un sous-titre ou une voix ou une autre voix qui dit qui est celui qui parle, ce qu'il fait, quel âge il a, etc., etc. Et donc je voulais aussi, ça me paraissait évident, que ce soit une voix d'origine allemande. Et donc j'ai choisi et j'ai convaincu Ute Lemper, l'actrice et chanteuse allemande, d'être cette interprète. Et c'est elle qui fait la voix française. Elle vit à New York, donc elle parle parfaitement anglais. C'est elle qui fait la version anglaise avec ce soupçon de d'accent allemand. Voilà. Et malheureusement, pour des raisons qui me dépassent, ce ne sera pas elle qui fera la version allemande. Mais ça il faut demander à qui de droit pourquoi ce n'est pas elle. Je m'appelle Elisabeth Brache et je vis dans une famille protestante à Berlin. J'avais 14 ans en 1932. Beaucoup de filles parlent d'Hitler passionnément. Elles affichent des images sur les murs qui montrent un lever de soleil radieux, tandis qu'au milieu émerge la croix gammée. Oh, comme je les déteste, ces images! Quelle a été sa réaction à elle face à ces textes? C'est une Allemande qui a fui l'Allemagne, hein, aussi. Bon, pas pour des raisons raciales, mais je pense que elle fait partie de ces Allemands qui supportent pas que leur pays ait été mêlé à la Shoah, voilà. Et donc, elle revient en Allemagne, elle fait des tours de chant, elle est connue en Allemagne, voilà. Mais donc, ça fait partie, je pense, de son action politique, d'être cette voix, la voix des exilés aujourd'hui. Redonner le titre de ce documentaire. Alors le film s'appelle Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler et la première partie c'est l'arrivée au pouvoir et la deuxième partie c'est la mise au pas. Merci de votre visite et à très bientôt au micro d'Histoire Vivante. Merci Jean Leclerc. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Christian Morero. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.